maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Cynic. En direct et pendant une heure complète. S-I-N-I-K-A. Planet Rap Cynic, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine en direct en ce lundi Pâques. Comment ça va, Cynic? Écoute, Fred, ça va. Hein. En pleine forme? Ouais, la pêche. Immortel 2. Ouais. Dans 7 jours. Ouais, c'est ça, la semaine prochaine. On va pouvoir le découvrir cette semaine entre 20h et 21h. Nouvel album de Cynic parlait aussi de ce parcours. Hein. Mine de rien, ça commence à compter. Ça là. En fait hein, de la beauté. Ça en fait quelques planètes rap. Grave, ouais, on parlait de ça tout à l'heure. Ouais. C'est vrai qu'on est venu pas mal de fois ici. Pas mal de fois, et ben, on va pouvoir en reparler durant une bonne heure pour cette première soirée. On est en direct, je disais, lundi de Pâques. Ouais. Week-end bien passé. Hier soir, c'était bon. Ouais, très très bon week-end, surtout la fin. C'était très bien. On peut saluer quand même nos amis marseillais qu'on a démérité. Voilà, soyons reconnaissants. D'ailleurs, on aimerait voir plus de matchs comme ça, d'ailleurs, franchement. Bah, surtout si on gagne à la fin. Surtout si on gagne à la fin. Il n'y a pas de souci. Non, mais au moins, ça joue, il se passait des trucs, c'était intéressant. Non, c'était cool. Bon week-end, en plus, il faisait beau, c'est tranquille. Allez, Cynic avec nous entre 20 et 21 et pour se plonger directement dans cet album Immortel 2, on t'a préparé un petit medley de tous ces morceaux qu'on va pouvoir retrouver sur cet album qui sort dans une semaine. Yes. Planet Rap Cynic. Docteur, est-ce que c'est grave? Si ma route est tracée, si j'en ai plus rien à foutre, si je pense qu'à tout écraser, à tout prix être une machine de billets. En privé, j'en oublie même de prier. De quoi en faire c'est un diable. Avec des rouges à lèvres. Le diable. Planet Rap. Planet Rap. J'ai vraiment plus rien à prouver. Fini de fuck la police. M'en fous que l'on m'applaudisse. J'ai plus 20 ans. Égaré, je me suis trouvé. L'amour était ma phobie. Ma fille, je l'aime à la folie. Le royaume de la triche. Vie paradoxale, riche. Grâce au crime, au football ou à la boxe. Taille, spliff à la bouche. Nique tous les honneurs. Comme un ouf pour être ivre de peau. Planète rap. Ça nous attire, plat les douilles. Violent, on sent pas les coups. Toujours, il faut jouer des coudes. Hollande, on sent pas les couilles. Personne ne veut perdre des plumes. Disons qu'on aime pas les cours. On est venu faire des thunes et fuir sa lame à l'écrasse. Ferme-la, ne dis rien de ce que tu sais, assume. Qui tu es, ce que tu dis, ce que tu fais, assume. Ton bloc, tes potes, tes fautes. Et fuck ce que pensent les autres. Planet Rap. Planet Rap Cynic. Au bout de ma life, à deux doigts de craquer. J'suis dans des bails de malade. J'vais tous les braquer. J'suis au bout de ma life, à deux doigts de craquer. J'suis dans des bails de malade. Solitaire et traqué. Planet Rap. Ma vie ressemble au mitard. Je porte le poids du monde. Dehors ils sont des milliards, mais moi je ne vois qu'une ombre. Survivre se fait en silence, une balle s'est enclenchée. Appelle ça non-assistance, à personne en danger. T'as cru que ça fait des amis, des vrais, mais dans tes rêves. Ta vie n'était qu'une grosse blague, la chute est un Planet Rap. Ma vie, sur la scène quand elle se déshabille. Ma vie, près du ciel ou au fond des abîmes. C'est ma vie. Je ne dors pas, je tourne en rond, je suis comme un lion en cage. Je me fais chier, je réfléchis à des millions en cash. Que les plus faibles quittent le navire, je suis trop bon en clash. Si peu d'avenir, mais c'est la vie, j'étais au fond en classe. Que du rap énervé, le paradis c'est pas une boîte sur les champs, y'a pas de table réservée. Dans une course au dollar, entouré de plein de filles. Génération McDonald's, impardonnable train de vie. Planet Rap. Et la street me follow, que des projets solides. En équipe, en solo, je fais mes pièces. Frérot, ça fait temps long. J'ai toujours les temps longs. Au grand jour ou temps long, je les pète. Pas le temps d'être ému. Le monde est un tarbat. Braquer le PMU, chez nous c'est ça, vouloir faire un tabac. Les hommes se font la guerre, ont de la peine. Alors les propos choquent, on efface pas la haine, même avec Photoshop. Planet Rap. J'pourrais quitter la merde, m'offrir un domaine juste au bord de la mer. Un jour quand je serai grand, vous verrez, je serai blindé. Seul au quartier, je prendrai le rinté. Plus tard quand je serai grand, en amour, en affaires, je ferai ce que je dois faire. Je serai franc et sincère. Plus tard quand je serai grand. Un Tous les soirs, 20h-21h. S-I-N-I-K-A. En direct avec Cynic sur Skyrock. Voilà, Immortel 2, on s'est plongé dedans directement avec ce petit medley. Ouais, j'ai vu ça. On va pouvoir découvrir toutes les semaines entre 20 et 21. Aussi. Ça fait quoi, 2 ans et demi hein, depuis le dernier album? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, hein? En septembre 2012, je crois. Voilà, donc 2 ans et demi. Est-ce qu'il était compliqué à faire ce nouvel album ou pas, Cynic? Non, pas compliqué, mais on l'a fait différemment, en fait. Tu vois, on l'a fait différemment. Déjà, sans se mettre aucune pression au niveau de la date de sortie. On s'est pas fixé de date. Dès le départ, on s'est parlé entre nous, en fait. C'est ce qu'on voulait faire. Tu vois, on voulait faire un album chargé. Donc, on savait que ça prendrait du temps. Et voilà. Et la différence avec les autres albums, c'est que là, j'ai fait énormément de morceaux, tu vois, pour en garder quelques-uns au final. Et avant, on faisait les morceaux comme ça, vraiment, tu vois, pour l'album au fur et à mesure. Là, j'en ai fait beaucoup. J'ai dû faire, je sais pas, peut-être une trentaine de morceaux en 2 ans. Et voilà, on a gardé le meilleur, on a retravaillé. Voilà, on a fait notre boulot, quoi, je pense. C'est toujours la même équipe, quand même, 6ix9ine. Ah, mais ça change pas. Tu vois bien, c'est toujours les mêmes gueules qui sont là. Hein, T'as vu ? Il y a toujours une équipe fidèle depuis le début. Ouais, toujours. Hein, t'as vu, on change pas une équipe qui gagne. Et puis, de toute façon, c'est la famille. On est parti de tout en bas, voilà, on a fait notre chemin tous ensemble et voilà, on continue. Ouais. Hein. J'avais demandé justement comment tu juges tout ce chemin dans la musique. Ah, c'est fou, c'est difficile à juger comme ça. Il y a eu des très très hauts, il y a eu des un petit peu plus bas. On a tout connu, hein. On a quasiment tout fait. Donc en vrai, je suis convaincu que le jour où j'arrêterai, je serai un mec content et je serai pas du tout aigri parce que j'aurai le sentiment d'avoir fait à peu près tout ce que tu peux faire dans le rap. Donc voilà, c'est cool, hein, franchement. Bon, après, c'est une carrière, c'est vrai qu'il y a forcément des albums qui marchent mieux, d'autres qui marchent moins bien. Bien sûr, et puis on a fait des choix, on a choisi de retourner en indé, on sait tous ces trucs-là, on le sait, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est pas une surprise, ça fait plus de 10 ans qu'on sort des albums, plus de même 15 ans qu'on a fondé 6ix9ine, on savait très bien qu'au niveau des ventes, t'allais le payer un petit peu, mais c'est un choix qu'on a fait, et voilà, on est content de faire la musique qu'on aime, de pas avoir forcément suivi toujours la tendance, d'avoir gardé notre identité, d'avoir gardé aussi mon équipe, parce que dans le rap, c'est pas arrivé à tout le monde non plus, tu vois. Donc, on marche avec la même équipe depuis le début. Mmh. On est dans nos convictions, on fait ce qu'on aime et voilà. Bon, le dernier, quand on parlait de succès, il a quand même fait disque d'or, même s'il n'y a pas eu. Ouais, c'est relatif, si... hein, c'est pour ça, je te dis, tout le monde. Même s'il y a des échecs à 50 000, je peux dire, il y en a beaucoup, ils aimeraient les faire, hein, surtout en indé. Donc, faut relativiser. Après, les gens, ils se basent parce que mes premiers albums ont fait 250 000. Ouais, c'est ça. Donc, en vrai, on a commencé très très haut. Très, très haut, ouais. Maintenant, quand tu fais 50 000, les gens, ils disent, ouais, t'as vu, ça marche plus. Le mec est fini. Mais on faisait 250 000 en maison de disque. Aujourd'hui, tu fais 50 000 en indé. Tous les gens qui sont dans la musique, ils te le diront que c'est quasiment équivalent, tu vois. Et puis des concerts aussi, tu continues à tourner. Et ça tourne, et puis voilà, on fait ce qu'on a à faire. On fait notre petit bonhomme de chemin. Après, moi, tu me connais, j'ai jamais vraiment couru après ce truc-là. Quand j'étais celui qui vendait le plus d'albums en France, tu m'entendais pas trop parler. Si, tu disais à ce moment-là, ouais, je vais arrêter. Ouais, non, mais parce que j'étais usé. C'est vrai que ça m'a usé. Les trois premières années, elles m'ont fatigué vraiment physiquement. Mais même à cette époque-là, tu m'entendais pas parler. Mon discours, il a pas changé. J'ai pas commencé à dire à tout le monde que j'étais le plus gros ou quoi. Donc, on a toujours fait notre bonhomme de chemin de la même manière. Que ça vende 250 000 ou que ça vende 50 000 en indé, on a toujours été les mêmes. Ceux qui bossent avec nous, ils peuvent en témoigner. Donc voilà. Et ben l'album la sort dans une semaine. Ouais. T'es content quand même de celui-ci? T'es fier? Ouais. Je suis content, je suis fier. On a pris le temps. J'ai fait ce que je voulais faire à l'intérieur. Donc voilà, la première des réussites, c'est ça. C'est quand l'album il est terminé, déjà d'en être content, d'avoir voulu vraiment mettre dedans tout ce que je voulais mettre. Et voilà, donc on est content. Et puis après, tu connais, hein, les dés sont lancés. C'est au public de juger. Bon, tous ceux qui aiment Cynic, en tout cas, ils aimeront forcément aussi cet album parce que c'est du concentré. C'est du concentré de Cynic. C'est aussi un questionnement sur sur un mec qui vieillit aussi. On avance. Voilà. Hein. Attends, on avance. Hein. C'est sûr qu'on a plus 20 ans. D'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle J'ai plus 20 ans. J'ai plus 20 ans, ouais. Donc on en parle. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Oui, c'est un peu le questionnement, voilà, d'un homme. Homme. Hein. Aujourd'hui, j'ai une petite fille, d'ailleurs, que j'embrasse parce que je pense qu'elle doit m'écouter à l'heure qu'il est. Et voilà, c'est clair qu'on a avancé dans la vie. On a fait pas mal de choses, je te dis des très bonnes choses, je pense, et on est fiers de ça. Après, ouais, c'est clair, on avance comme tout le monde. Tu vois. Bon, il y a des questionnements sur la vie. Et on l'assume, c'est ça la différence. C'est le cas maintenant avec un morceau qui s'appelle le cancer de la banlieue. Ouais. Alors ça, c'est un questionnement un peu plus général, hein, je dirais, sur. En fait, moi, tu vois, j'ai analysé un truc, c'est que dans mes premiers albums, en fait, j'étais tout le temps, tu vois, dans la contestation. C'est de la faute des autres, ils ont fait ci, ouais, nanana, on vit là, on a rien, etc. Et en fait, en grandissant après, j'ai changé un peu d'optique, tu vois, et j'ai commencé à faire des morceaux, et ça date déjà, parce qu'il y avait le morceau avec LECK qui s'appelait Tête à Tête, c'est vrai, 16 vérités. Tu vois, j'aime bien faire des morceaux où maintenant, on s'analyse aussi, nous, on regarde le truc un peu différemment, et puis on regarde aussi les fautes que nous, on a faites, tu vois, les erreurs que nous, on a commises. Donc, j'ai arrêté de tout rejeter sur les autres, et j'ai commencé à regarder ce que moi aussi, j'avais pas fait de bien. En bien, en moins bien. Ouais, parce que c'est vrai que des fois, voilà, comme je dis dans ce morceau,

C'est cynique et donc ce morceau, le cancer de la banlieue à l'instant. Ouais. Tu vois les réactions, beaucoup de réactions. Hein. Ouais, je lis ça là. Vous continuez avec le hashtag cynique sur Skyrock. Non, j'essaie juste de me dire, toi, voilà, imaginons quelques années en arrière, t'aurais écouté ce morceau par un autre rappeur et tout, tu te serais dit quoi? Tu te serais dit un peu moralisateur, un peu. Ça peut paraître comme ça, mais sauf que moi j'ai le recul et je pense le vécu aussi pour l'écrire. Tu vois, je pense que c'est pas un morceau que t'écris à 20 ans, parce que ça peut paraître prétentieux. Après, encore une fois, voilà, je pense avoir suffisamment de vécu et suffisamment de recul aussi par rapport à tout ça pour pouvoir écrire un morceau comme ça. Donc, et puis tu vois, t'as remarqué que je m'inclus dedans aussi. C'est une autocritique, c'est aussi. J'ai vécu cette vie-là. La plupart des trucs que je dis dans cette chanson, c'est des trucs que j'ai puisé chez moi, en fait, tout simplement, tu vois. Donc voilà, non, c'est un peu une critique, histoire de se remettre en cause aussi de temps en temps, tu vois. C'est bien. Quoi, c'est des regrets aussi d'une certaine époque ou non? Non, pas de regrets, parce que voilà, on a vécu comme ça, c'est des choix qu'on faisait, c'était le mode de vie aussi de l'époque. Il n'y a pas de regret à avoir par rapport à ça. Maintenant, il faut en tirer des leçons. Et voilà, et je pense que les nouvelles générations l'ont fait, puisque c'est quand même une vie assez différente. Il y a des trucs qui changent quand même. Donc voilà, c'est bien s'ils ont compris ça. Comment tu juges, toi, en ce moment, la scène rap? T'aimes bien? Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de trap ces derniers temps, hein, ce courant musical qui arrive des États-Unis, qui a été développé aussi avec parfois des choses bien, des choses moins bien ici en France. Des paroles parfois plus minimalistes aussi, par rapport à ce que tu fais sur cet album. Après, chacun a son truc, tu vois. Moi, c'est clair que j'essaye de mettre l'accent sur ce que je sais faire, c'est-à-dire le texte, parce que je pense que c'est là où je suis le plus fort. Il y en a qui font autre chose, il y en a qui font du trap, il y en a qui font aussi d'autres trucs, tu vois. Donc après, voilà, il en faut pour tous les goûts. Maintenant, la scène, elle s'est renouvelée, tu vois. On est là depuis 10 ans, on a vu beaucoup de choses quand même. La scène, elle s'est renouvelée. Si ça marche, c'est qu'il y a aussi un public qui demande ce genre de son-là. Donc, tu vois, je pense qu'avec le temps, sans faire d'opposition, parce qu'on n'est pas obligé à chaque fois de s'opposer ou quoi, mais il y a vraiment deux cultures maintenant dans le rap, quoi, tu vois. Il y a les sons d'aujourd'hui, les tonalités d'aujourd'hui et tout. Puis il y a ceux qui sont plus pour un rap, entre guillemets, un peu plus à l'ancienne, avec des vrais concepts, des vraies paroles, etc. Où tu peux être des deux, hein. T'es pas obligé de choisir ton camp. T'as tenté pour cet album des trucs trap ou pas? C'est fait un petit kiff sur un morceau. Sur un morceau, il y a quand même. Ouais, bah tu connais. Après, ça, c'est l'esprit de compète. J'aime bien aussi montrer que je sais le faire. Tu vois, c'est l'esprit même du rap, c'est aussi ça. C'est de montrer qu'on sait le faire. Quand il y a eu du dirty à une époque, quand il y a eu ce courant-là, le courant dirty, tout ça. 2009, etc. C'était aussi le but du jeu. Après, c'est pas mon truc. Je pense que les gens qui me connaissent et qui connaissent mon délire savent que c'est vraiment pas, tu vois, mon courant préféré. Mais t'avais fait plusieurs morceaux de cette tonalité ou pas? Pour en garder qu'un seul morceau. J'ai dû en faire aller deux, trois, tu vois, où j'ai gardé le meilleur, que j'ai retravaillé, etc. Mais encore une fois, c'est pour l'esprit de compète, parce que aussi, il y a aussi des gens, c'est les tonalités du moment, donc on est aussi dans le coup. Mais après, on fait ce qu'on sait faire le mieux, je pense, c'est du texte. T'as réécouté beaucoup aussi les précédents albums ou pas tes précédents albums à toi? J'en ai réécouté quelques-uns, ouais. C'est bien de se remettre à jour, des fois, de voir ce que t'as fait, etc. Parce qu'avec le temps, forcément, tu les oublies aussi, tu vois. Est-ce que t'as redécouvert des morceaux, justement? Est-ce qu'il y en a où tu t'es dit, merde, tiens, celui-ci? Non, pas forcément. Je les redécouvre pas, mais après, je me dis, ah ouais, tiens, ce truc-là, je l'aurais peut-être pas fait comme ça, ou tu vois, bizarrement, tu vois tous les défauts quelques années après, mais non, tranquille, ça fait partie de ma discographie et j'en suis fier. Bon, bah, je dis ça parce que tout à l'heure, on a un medley sur. Ouais, d'ailleurs, je passe qui va tracer le parcours un petit peu de Cynique. Voilà, DJ Joy, il est derrière moi. Joy est là. Il passe le bonjour, il est derrière, il est prêt. Donc, et bah, c'est lui qu'on retrouve. Non, tout à l'heure, Joy, c'est bon, tranquille. Ouais, il y a le temps. Joy, il est parti. Non, t'inquiète. Non, on le fera d'ici un peu moins une vingtaine de minutes. Ouais. Ça va, Joy, tu seras là, tu pars pas. Ok, non, parce que je t'ai vu te lever, je me suis dit, il est chaud le mec. Bon, Joy qui sera donc au platine et qui retracera un petit peu ce parcours, on reviendra sur ton parcours aussi, sans jouer non plus, tout le temps dans le vieux, parce que là, il y a un nouvel album, on va aussi parler surtout de celui-ci. Mais on est là pour ça, Mais c'est bien de rappeler aussi qu'il y a un parcours, et puis peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont le découvrir, c'est aussi. Non, mais moi, j'ai conscience de ça, j'ai conscience qu'il y a toute une nouvelle génération de même d'auditeurs qui est arrivée. Nous, on était en indé, etc., on était moins visibles que de 2005 à 2009, par exemple. Et donc forcément, il y a une nouvelle génération à aller conquérir aussi, tu vois. Ils écoutent du rap, faut aussi leur montrer. Ça t'y pense aussi, t'y as pensé sur cet album? Bien sûr, bien sûr, on y pense. Mais après, on sait qu'on a aussi notre public. Enfin voilà, faut toujours savoir où est sa place, tu vois, dans le rap. Faut toujours savoir ce que t'as envie de faire. J'ai pas voulu non plus aller conquérir un jeune public, tu vois. C'est pas mon objectif. Maintenant, si les jeunes d'aujourd'hui ils accrochent sur certains sons, bah tant mieux. Hein, c'est cool. Bah dites-nous, envoyez des messages. Il y a beaucoup de réactions en ce moment aussi. Ça bouge pas mal sur le hashtag Cynique sur Skyrock. Merci Cynique, c'est toi qui m'as fait découvrir le rap à 14 piges. Est-ce que ton dernier album ou le score de ce dernier va t'inciter à continuer le rap? Non, parce que j'ai pas. C'est ce que tu disais même sur le précédent, t'as fait 50 000, c'est pas pour ça que t'as arrêté, quoi. En fait, aujourd'hui l'accent sur le rap, il est axé vachement sur les ventes, etc. Tu vois, alors qu'en vrai, je pense que mes gros scores, ils appartiennent au passé. Je les ai déjà fait. J'ai connu les semaines à 50 000, etc. Aujourd'hui, je te dis, on est en indé. On sait aussi un peu c'est quoi le marché, on sait c'est quoi le rap, etc. Honnêtement, on s'attend pas à faire 50 000. Je vois, il y a beaucoup de gens là qui me disent, ouais, tu vas faire plus que Booba, machin et tout. On s'attend pas à faire autant. Mais vous sortez en même temps. Ouais, bah le 13 avril. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence, non, c'est vrai que c'est. Non, il a décidé de sortir le même jour que nous. C'est important de le dire aussi, parce que j'ai eu pas mal de fans qui sont venus, de fans à lui qui sont venus. Ouais, t'es sérieux, tu sors le même jour que lui. Bon, laissez-moi juste rétablir une chose. La date de sortie, on l'avait annoncée 2 mois ou 3 mois même, je crois, avant. Mm-hmm. Après, c'est lui qui a décidé de sortir le même jour, donc t'imagines bien qu'on n'allait pas se pousser non plus, mais juste venez pas me dire, ouais, t'es sérieux, tu sors le même jour que lui. C'est lui qui sort le même jour que nous, parce qu'à la base, on l'avait annoncé avant, donc. Et puis après, c'est comme ça, c'est dans le rap, c'est un petit peu aussi comme au ciné. Parfois, il y a des grosses sorties, et puis ça favorise aussi les autres films qui sont à côté. Ça m'a pas déplu, hein. Ça m'a ramené un peu de lumière aussi, hein. Je veux pas te mentir, c'est cool, on sort le même jour, c'est quelqu'un de visible. Donc, c'est quelqu'un à qui tu as eu quelques accroches, hein. Ouais, ça fait partie du. C'était une époque. Ça date, hein, sincèrement, ça date aussi, tu vois, donc ça fait quand même. Parce qu'il y a des gens qui reparlent encore des fameux cartons qu'il avait fait, rouge, machin, qu'il y en a un qui est jamais sorti, hein, qui existe mais qui est resté dans un tiroir. Ouais, dans un tiroir, mais pas très lointain. Donc voilà. Ça veut dire que le tiroir peut. Tu sais jamais. Nous, on est taquins, on est joueurs aussi, on aime bien jouer. En plus, voilà, je pense qu'il le sait, les clashs, c'est un peu notre délire. Donc voilà, on sait jamais. Mais en tout cas, non, il n'y a pas de. Nous, on a regardé ça d'un œil extérieur, voilà, on a vu tout ça arriver. Après, les gens, tu connais, ça les excite forcément. C'est un match qui les. Toi, t'as quel recul aussi par rapport à ça maintenant avec le temps qui s'est écoulé? Parce que, d'ailleurs, quand on parle dans du concert de la banlieue, c'est à la grande époque quand il y a les remises des victoires des trophées du hip-hop. Ou d'ailleurs, tu te poses la question en disant, on va là-bas, on fait une cérémonie et les gens sifflent les gagnants. Donc, ce qui est assez hallucinant, mais c'est vrai que c'était la grosse époque où il y a beaucoup de tensions. Ouais, c'était là, c'est vrai qu'on parle de tout ça avec presque en rigolant et tout ça, mais c'était quand même une période assez tendue dans le rap en général, parce qu'il n'y avait pas que moi et il y avait d'autres conflits entre d'autres artistes, etc. Donc c'était une période un peu tendue. Après voilà, je pense qu'on a, enfin, il y a mieux à montrer que ça. Moi perso, c'est des trucs, on les fait parce qu'on est des gens fiers et qu'au bout d'un moment tu peux pas tout laisser faire non plus, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas laisser les gens te salir comme ça sans rien. En plus, on aime ça, donc tu vois. Mais après voilà, j'essaye de, c'est pas ce qui m'intéresse le plus non plus, tu vois. Je pense que j'espère que je serai plus fier, en tout cas les gens retiendront plus ce que j'ai fait comme morceau, etc., que comme clash, même si je sais que c'est ce qui fait parler le plus. Bon, et puis c'est vrai qu'après ça, mais aussi bien pour lui aussi, ça peut quelque part bouffer sur la qualité de l'album, des sons que tu sors, parce que tu focalises que là-dessus. Quand t'es en interview, on parle que de ça. C'est clair. Là, je le savais honnêtement en voyant que Booba, par exemple, sortait le même jour que nous. Je savais très honnêtement que la comparaison, elle allait être faite automatiquement, qu'on allait dire, oh, pourquoi tu sors en même temps que lui. Voilà, qu'on allait me demander à moi pourquoi je sors en même temps que lui. Non, mais que toute cette comparaison, que tout ce truc-là, il allait ressortir. Tu vois, je suis pas un idiot. On est dedans depuis longtemps. On sait comment ça marche. Et je savais que ce clash-là, là, de 2007, il était pas si loin que ça non plus. Donc, les gens, forcément, ils allaient rebondir sur ça. Après, voilà, hein, tu peux rien faire contre ça. Nous, on a fait notre album. On avait prévu, quoi qu'il arrive, je te le redis, depuis 3 ou 4 mois avant ça, de sortir là. Donc, voilà, t'as vu, on a rien changé et ça changera rien, quoi qu'il arrive. Bon, et là, on va parler quand même musique cette semaine. Hein. On va laisser les clashs un peu de côté et revenir surtout sur l'album Immortel 2, l'album de Cynic qu'on découvre tous les soirs. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette dans quelques minutes, Cynic? Je sais pas, on va y réfléchir avec l'équipe. Je vois que Karim est là. Mais la pub maintenant, Fab? Parce que marche pas mon truc. Donc, c'est la pub maintenant. Ok, pub, et on revient dans un instant et on voit quel morceau de Cynic on met. L'album, ça sort dans une semaine de Cynic. Yes. Et c'est en précommandé maintenant, on peut précommander, on peut y aller, on peut aller cliquer. Ouais, c'est sur iTunes, la famille, servez-vous. Allez-y avec le hashtag Cynic sur Skyrock, bougez pas, on revient juste après ça. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Cynic pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Planet Rap Cynic. Cynic toute la semaine dans Planet Rap entre 20h et 21h. L'album arrive dans 7 jours maintenant, c'est Immortel 2. Ouais, c'est ça. À découvrir cette semaine sur Skyrock entre 20 et 21. Et dans une dizaine de minutes maintenant, il y aura une grosse session sur le parcours de Cynic mixé par DJ Joy. C'est ça. Dans quelques minutes, ça arrive. Juste avant, on avait promis un morceau. Quel morceau on met On va mettre Contradiction, je pense. Contradiction, ouais. C'est un morceau qui est arrivé. C'est le premier clip qu'on a envoyé. Premier clip autour de cet album. Ouais, premier clip, premier morceau même, on peut dire, parce qu'on avait envoyé le Diable avec du rouge à lèvres. Mais ça, il y a un an, donc ça, c'est les morceaux juste pour dire voilà, coucou, on est là, on arrive bientôt, vous inquiétez pas.

Alors, vraiment... petite question quand même, Kéfir. Un petit mot sur Cynique. Comme toi, je sais que tu as toujours un petit mot, pensée particulière, quelque chose à dire. Eh ben, Cynique, je kiffe depuis très longtemps, en fait, parce que j'écoutais vachement les sons de Ultimatum, en fait. Tu as sorti le vrai truc qui prouve que t'es là depuis le début, là. Là, tu m'entends. Vraiment. Et ici, il y a des sons qui m'ont marqué jusqu'à présent, tu vois. C'est, un son où il y a d'ailleurs Gros Dash qui commence et il fait sur un air de guitare où il y a un clip avec Sake. Je crois, frère, tu connais les morceaux mieux que moi, je crois. Il doit être vieux, celui-là. Ah, il est vraiment bien. Il y a Sake machin. C'est un clip où vous êtes dédoublé, etc. Avec les Acariens, ouais, c'est possible. On a beaucoup de taf ensemble. Mortel. Puis il y a les sons avec ATK aussi. Ultimatum, ATK. Tu vois, je crois qu'il y avait Cyanure et Fredica sur le refrain. Ah ouais, c'est vraiment. T'es Wikipédia en fait, c'est. Ça tue, c'est Wikipédia rap. Ouais, c'est ça. Ça tue le son sur la mixtape Skunk Anthology aussi, j'avais bien aimé. Ouais, avec Kennedy. Avec Kennedy, voilà, exactement. Ouais. Et après, bien sûr, La Main sur le Cœur, tous les maxi machins, mais La Main sur le Cœur, pour moi, c'était vraiment l'album. C'est le truc. Vraiment, j'ai squatté D332, ce son. J'ai pas fait de prison, mais il me parlait tellement. Tu m'en as tellement parlé que... C'est comme si t'en avais fait, en fait. Ouais, vraiment. Et après, tous les sons un petit peu avec un petit piano, un petit machin, cœur de pierre, tout ça. J'ai kiffé, rien à dire. Merci à toi, frérot. Et bah, Kéfir, je pense que tu seras pas déçu par cet album qui sort la semaine prochaine, Immortel 2 de Cynique. Yes. On t'écoute rapper maintenant, c'est parti? Yes. Allez, session freestyle par téléphone. Kéfir. Yo. Ok. Kéfir, yo. Si je fais un tab, allez, jaloux. Mettront un Nicopatch, trop tard, qui va louer ou bab quand le pico tchatch. C'est le vie total, c'est ton mec, ton popignolé, t'es lyrique. Tu me portes l'œil bidon, mais on peut ignorer ton iris. C'est la chat, roulette russe, ton PC, une boulette de plus. C'est du fat que j'excuse, brûler ta prochaine de cul. Garde la pêche, wesh, motherfucker. Comme l'a dit Ellie, c'est la French tech, qu'à la hauteur. Comme la Vinelli, si vous êtes hors norme, hors temps, sachez que je remets tout au tempo. Avec ma coupe au pento, je suis classé hors mode, en hors bord. Je vais surfer sur mon vague à l'âme, balancer du haut de gamme. Trempe, petit padawan, c'est le one mic, Marshall, Médric et le pitre. On prend le time pour s'exciter le titre. Leur mort on prédit, c'est impossible de négocier. Pire cauchemar comme Freddy, coup de griffe dans les gosiers. Bien, yo, ok, coup de griffe dans les gosiers. Yo, tout mon sac c'est pas déballé. Ce son est un pas décalé, pas les femmes demandent détaillé, braillé, croyant que j'allais pas dégaler. Envoie le big rap que je puisse l'étaler. Mettre une tannée, stannée, celui qui peut me battre n'est pas né. Avant de vouloir rapper, je te conseille d'apprendre à lire. Personne ne sait exactement. Yo, mec, y'a un paquet d'esquives que tu m'as sorti. Je fais pas le bonhomme sur un ordi, je mets des claques. Et des chiffres, la horde est sortie. Pour toi c'est morti, t'es censé mort. Je t'envoie dans les cordes, dans les orties. Je fais du hors-piste, on t'emplit. Tout est dit, c'est bite, on les torpille. Tout est dit, non, j'ai pas fini avec lui. Tu veux boycotter nos prestations, t'es trop coté dans tes stations. T'es abusif, ensuite ils disent faire de la musique avec passion. Y'a trop de haineux et leur discours est contradictoire. Ça pour un enfoiré, et tout dépend qui te racontera l'histoire. Trop de jaloux, ça me détecte, ils ont pas d'ambition. Disons dans le peur, je suis en mission. Comme Sam Beckett, je suis un couteau suisse. Je vais dans la polyvalence, reste polyvalence. Ou tu boiras avec quelques gouttes nocives. Je suis pas naïf, t'es face, t'es d'un pacotier. Tout t'as pas nos prix, ta bande de nazes ne fait pas la diff. K-O-S, Y-R, S-I-N-I-K, Frédérico, Fab, yo. Ok, Kéfir à l'instant, bon Kéfir. Hein. Ah, ça rappe, hein. Franchement, pour de vrai, hein, poteau. Des fois, on dit ça par politesse, je vais pas te mentir. Mais non, là, ça kick, hein, franchement. Et autant dire qu'il a entendu beaucoup de freestylers par téléphone. Ouais, mais il en a fait beaucoup aussi, ça se voit. Ah, merci beaucoup, Cynique. Et venant de ta part, c'est vraiment mortel. Non, et d'ailleurs, le son avec les Acariens, en faisant le freestyle, m'est revenu et ça s'appelle Monde Meilleur. C'est possible, voilà. Frérot. Je te crois. C'est quoi, je te crois. Voilà, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai bafouillé dans mon texte. Je suis reparti sur un autre texte. T'as eu un flash. De la pochette. je réfléchissais sur ça. Je me disais, putain, faut que je le trouve, ce son, parce qu'il m'a traumatisé, en fait. Voilà. Et ben, on ira cliquer, c'est de le retrouver, Monde Meilleur. Merci à toi, en tout cas. Voilà. Toi, tu sors quoi cette année, là, 2015, Kéfir? Un maxi avec un EP avec mon crew One Mic. D'ailleurs, ceux qui veulent me retrouver, c'est K-E-F-Y-R sur Facebook. K-E-F-Y-R sur Facebook. Voilà, merci à tous et merci à Malsain l'Assassin. Et ton album, je vais le recevoir, mais je pense que je vais l'acheter aussi parce que vraiment, c'est je suis depuis le début et je kiffe. T'es un bon, voilà. Merci frérot, t'es un bon. Merci à toi, Kéfir.

payer le loyer, pourtant c'est toi qui as eu le bac. J'ai trébuché mais tout va bien, rien de cassé. Depuis que la vie incarcère, mon avenir est un casse-tête. On a le même sang, mais c'est pas pour autant qu'on se ressemble. Pas pour autant qu'on s'entend, pas pour autant qu'on avance dans le même sens. Pas pour autant qu'on s'aime, pas. On a le même sang, mais c'est pas pour autant qu'on se ressemble. Pas pour autant qu'on s'entend, pas pour autant qu'on avance dans le même sens. Je suis ce père de famille, je n'ai pas su rouler ma bosse. Plus je me défonce à l'alcool, plus je me défoule sur ma gosse. Je suis cette femme qui rêve d'une carrière dans le 10, qui veut être star du cinéma, qui fera la pute dans le X. Je suis un étranger, dis-moi je peux faire quoi, puisque je ne fais que déranger, c'est ce que la France veut me faire croire. Je suis sans domicile, défiguré comme Albator. La société me fait comprendre qu'elle prend les hommes pour des labradors. Je suis maton, j'enferme les hommes sans regret. Je prends du plaisir quand je me rappelle qu'on me tapait à la récré. Je suis fugueur parce que mon cœur n'est plus qu'une cicatrice. Parce que les juges me veulent en psychiatrie. Je suis un clown dans un piteux état. Je m'oblige à être drôle pour oublier que ma vie ne l'est pas. Je suis un fou qui a perdu la boule. Puisqu'on m'a traîné dans la boue, je viens dégainer dans la foule. Parce qu'on perd tous la raison. On rêve de brûler les saisons et de voler vers un horizon moins sombre. On veut pas être comme tout le monde. C'est soit on sort de l'ombre, soit on tombe dans l'autodestruction. Parce qu'on perd tous la raison. On rêve de brûler les saisons et de voler vers un horizon moins sombre. On veut pas être comme tout le monde. C'est soit on sort de l'ombre, soit on tombe dans l'autodestruction. Je rends des fous à l'hôpital. Robert Debré, 15 décembre, journée glaciale. Des gosses malades voudraient me voir de près. Je reconnais que j'appréhende, mais c'est inévitable. Ici, les murs sont blancs et les gens parlent en langage médical. Au début, on m'a expliqué leur vie, mais j'ai souhaité voir en premier le peuple, leur lit de sentiments. Mais je commence à m'en vouloir. Je croise un père pleurant tout seul, traînant sa peine dans les couloirs. Enfant du paradis, luttant contre la maladie. Fessal n'a que 8 ans, il n'avait rien demandé à la vie. Je suis rentré dans sa chambre plein d'humilité. Très vite j'ai compris que mes problèmes sont des futilités. Sa mère m'a dit que la musique, le bordel, emportait si loin. Je te jure que j'avais honte de me porter si bien. Il tousse et me dit je trouve que t'as l'air fort. Mais il ignore que je me plains quand j'ai un trou dans mes Air Force. Moi qui pensais que dans sa tête c'était le Kosovo. J'admets, je me suis trompé, lui qui ne rêve que d'être cosmonaute. Il sourit, il a le temps d'être sympa. Moi qui m'énerve pour un rien, moi qui mérite d'être à sa place. Moi qui casse tout quand mon portable ne capte plus. Moi qui me plains, qui m'énerve, qui traite souvent la vie de pute. Voyant sa joie immense, ses yeux s'ouvrir, j'étais heureux de rendre heureux, j'en ai sorti mon vieux sourire. Rendez-vous à l'hôpital, je ne verrai plus les heures qui passent. J'en ai le cœur qui bat, mais peut-être lui qui part. J'aimerais leur donner ma vie, ce ne sont pas que des mots. Leur dédié ce son, car dans le fond ce ne sont que des mômes. Emprisonnés dans un drap en or, libérés par un docteur, parce que le ciel nous attendra encore. Parce que la vie a tant de choses à proposer. Parce que je sais que les anges voleront toujours dans leur propre sein. Je me présente, j'étais un homme. Aujourd'hui je suis un mort. Je vous regarde de là-haut sans dire un mot, tel un môme. Alcoolisé pour mieux exterminer le mal. C'est la bouteille qui m'a tué. Ma Mercedes a terminé le taf. Je peux tout voir, même le fond de la tête. J'ai vu mon ancien meilleur pote dire à ma femme qu'elle était belle et dire que ce bâtard a mangé à ma table. Ne dépose rien sur ma tombe, offre des fleurs à ma femme. Je vois ma pierre tombale. Ceux qui viennent et ceux qui viennent pas. Plutôt ceux qui m'aiment ou qui ne m'aiment pas. Je peux tout voir et je ne vais rien vous cacher. Certains ils pleurent, certains ils vont pour cracher. Je vois ma vie, je pleure quand j'ai le blues. Je la regarde grandir, je me réveille quand elle tousse. Je refuse qu'elle voie mon nom sur une plaque de marbre. Il pleut car je pleure des flaques de larmes. Que de regrets d'avoir laissé passer ma chance. De regarder mon plus jeune frère débarrasser ma chambre. De le voir devenir insolent, tête de pierre. Canné se réfugier dans les canettes de bière. J'aperçois Mélanie, tous les jaloux qui veulent sa mort. Hier j'ai vu un mec chelou près de sa porte. Je vois tous ces rappeurs rapper tout haut ce qu'ils pensaient tout bas. Vendre ma mort comme si j'étais tout pas. Moi je vois le trône et de l'au-delà. Les pompes prennent un accord. Je pourrais remplir des sauts de larmes. On m'a poussé à la fonte de tout là-haut. Je me sens dans ces stades si mal. C'est un désordre. J'ai compris que les les années, ça passe vite, c'est inquiétant. Je me rends compte que Kélissa aura 7 ans le 20 septembre. Que chaque jour, les hommes s'autodétruisent à la hache. Et pour s'enfuir, les plus forts traversent les mers à la nage. J'ai vu l'écart entre la belle et la bête. Ici, la guerre à la patate, mais à la peine et la paix dans la rue. Tu sais, les délits profitent aux hommes. Et dans 10 ans, le kilo de cam sera au prix du kilo de pomme. J'ai compris tard que les regrets me pénalisent. Et ça fait mal quand je réalise que si peu de rêves se réalisent. Que j'avance pas, que leur justice ralentit. Que la France n'est pas si belle, ma prof d'histoire a menti. Que dans la vie, faire la paix n'est pas rentable. J'ai compris que faire la paix, c'est le cauchemar du marchand d'armes. Je réalise la nuit des courses poursuites dans la ville. Mais n'ayez crainte puisque la mort n'est que la suite de la vie. Genre l'issue de Paris sous Meillet, boum, atterrissage, aéroport, Waribou médienne. Incognito avec ma tête de bulka, mon regard vers mes claquettes et ma plaquette de bulka. Je rejoins les frères du 7-5 ou du 0-13, 0-stress, cool, j'arrive au bled, boule à zéro fraîche. Au Sheraton, je me taille la barbe à la Babilis. Baba baba, ouais, c'est l'assassin dans la cabine. Ne touche pas, moi et ma clip de Kouchta. J'ai nommé DJ Mousse, Karim, Nabil et Bouchta. Ça vient d'Alger, de Tunis, de Ousta. Dans mon film, Harry Potter, chez les porteurs de moustache. Pushing the whole planet, j'ai mis un terme à cette chaîne devient digne. J'en ai marre de souffrir, marre de fuir, marre de me dire que j'ai toujours le mal de vivre. Je n'ai jamais su crever l'abcès, j'ai pas eu de chance. L'amour et ses absences font mal comme une balle dans une jambe. J'écris ces mots comme un lâche, je pourrais vous le dire en face, mais comme un as, je n'aurais pas trouvé les phrases. J'ai essayé de me relever, mais les barreaux m'ont mis KO. Mal dans ma peau, je serais mieux tout là-haut. C'est de ma faute, pas de la vôtre. Si je me pends du fond du cœur, je vous aime et que je me rase si je mens. Fatigué, épuisé de vivre à bout de force. Si la juge est un couteau, la justice est un coupe-gorge. Je sais plus trop quoi dire, peut-être je vous aime, je vous quitte, mais dans le cœur je vous ai. Le trafic et la drogue dure, ça devient banal. Hardcore à la tendance, j'avance dans la tempête. Le diable veut nous tenter, j'espère avoir la trentaine. Petite, si t'as rêvé d'un ciel étoilé, sache que Roméo baisse Juliette dans les toilettes. Les boucables, la cartable, et c'est le carnage. Claque en CM2, il met son schlasse dans le cartable. Considère la rue comme un abri. Si tu ne reçois que des insultes et des crachats comme un arbitre. Bah ouais, parce qu'on fume la vie comme un mégot. Les inspecteurs de mes deux, les détecteurs de métaux. Représentant la tête et le 9-1. Tous les refrains qui chantent le texte et le refrain. Un bloc une pour la rue 2, pour mon bloc 3, pour mon hall 4. Pour les commis coincés en tôle. 6 pour le beat, 7 pour le 7, 8 pour les beats, 9 anti-cup, 10 pour les 10. Un bloc une pour la rue 2, pour mon bloc 3, pour mon hall 4. Pour les commis coincés en tôle. 6 pour le beat, 7 pour le 7, 8 pour les beats, 9 anti-cup, 10 pour les 10. Celui qui vient représenter ces hommes abandonnés. Oh oh oh. Celui qui vient de ces quartiers qu'a tellement donné. Joy qui nous a régalé en effet. Bravo, ouais, bravo à lui. Ça fait plaisir à plein de monde. Hein. Je sais pas si t'as vu les messages qui défilaient avec le hashtag cynique sur Skyrock. Gros medley à l'instant. Ouais. Plein de bonnes choses, on a fini avec Sopra qu'on salue pour ce PSGOM. Ouais, on lui passe une spéciale dédicace. Ouais, celle Sopra, du lendemain des Classico. Sopra qui est en train de faire une tournée incroyable. Je sais pas si t'étais voir le Cosmo. J'ai vu quelques trucs sur Insta en fait qui tournaient. Donc allez voir Sopra près de chez vous, ça défonce. Hein. Ouais, bah sur scène, c'est valeur sûre. Merci pour cette première soirée, Cynique. Merci à toi, hein, Fred, tranquille. Tous les soirs, tu vas être là entre 20 et 21, on va pouvoir découvrir cet album qui s'appelle Immortel 2. Yes. Et on peut te suivre aussi. Ouais, bien sûr, sur Insta. Parce que là, j'ai vu que tu es sur tout, en fait, hein, sur Insta, là. Twitter, Facebook. Donc voilà, Insta, c'est Cynique-du-bas officiel. Et sur Facebook et Twitter, c'est Cynique officiel. Sur la chaîne YouTube, voilà, partout. Donc Cynique officiel partout pratiquement. Voilà, sauf sur Insta avec le petit tiret du bas pour pirater. On peut rien y faire. Donc le vrai bon compte, c'est le Cynique-du-bas officiel. Ça c'est sur Insta et Facebook, Twitter, Cynique officiel normal. Voilà, sinon faut juste rappeler que l'album il sera en préco jusqu'à dimanche. Mmh. Pour ceux qui veulent la version avec les deux morceaux, c'est jusqu'à dimanche et que le clip surtout il sortira demain midi, concert de la banlieue. Voilà. Et on rappelle aussi un dernier truc, que l'album il est à 10 balles. Il sort à 10 balles dans les magasins, partout. Donc voilà, le billet de 10 balles. Ce qui fait plaisir. Écoute, on essaye de faire avec la conjoncture. Quelque chose qui va faire plaisir à Romano qu'on va retrouver dans un instant avec toute l'équipe de D-Fool. Yes. Mais juste avant, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre ton casque Power Beats 2, l'album de Sam Smith, plus des bons d'achat de 50€. Allez, je dis ça pour tous ceux qui demandent est-ce qu'on peut réécouter le medley. Nous on a filmé Momo, tu vas nous le mettre le medley de Cynique, donc on pourra le retrouver là ce soir dans la soirée. Normalement, si tout va bien, sur les chaînes Skyrock, sur le Skyrock FM, sur le planetrap.skyrock.com. Et Guillaume qui vient faire tourner la roulette de Brest, ça va Guillaume? Ouais, ça va, et vous, Fred? En pleine forme. Tranquille. Bah écoute bien, on est avec Cynique toute la semaine, de retour avec nous. Ouais, j'ai vu ça, c'est clair. Le DJ il gère. DJ Joy. Il n'y a rien à dire. Ouais, DJ Joy. Eh bah, tiens. Guillaume, tu es prêt à faire tourner la roulette? Ouais, nickel, carrément. Allez, on lance. Dès que tu veux, tu dis stop. C'est parti. Ok, ça roule. Bon, pas mal. C'était une petite variante du stop. Et bah voilà Guillaume, c'est fait, il y a l'album de Sam Smith qui arrive et 50€ en bon d'achat. Merci, c'est avec 50€ cool. Tu peux acheter 5 albums de Cynique puisqu'il a dit voilà. Nickel, ça sera dedans, t'inquiète. Si, mon pote. Et bah merci à toi Guillaume, merci à toi. Ok, ça roule, bah je vous remercie les gars et puis passez une bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, bonne soirée Cynique, merci à toute l'équipe, merci à Joy qui est là au platine. Merci à toi Fred, big up à Joy, tous ceux qui sont là dans le studio et voilà l'album. Et on se retrouve demain et l'album c'est le 13 avril dans les bacs, il s'appelle Immortel 2. Yes. D-Fool, est-ce que tu es là? Avec toute l'équipe de la Radio Libre. Ah, dans un instant on va les retrouver, on est en train de me dire ils sont en train poisson de se connecter. Poisson d'avril, ah non voilà. C'est pas aujourd'hui, ah non excuse-moi Fredo, c'est pas Poisson d'avril, c'est non. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Tu sais ce que me disait ma grand-mère? Quoi? Ma grand-mère quand on faisait des blagues qui arrivaient après le 1er avril, disait Poisson d'avril est passé mais les imbéciles sont restés. Ah bah alors voilà Fred. Pour rappeler mamie. Voilà, ma grand-mère Fredo. Poisson d'avril est passé, mais les imbéciles sont restés. Voilà. Bonjour Fred, comment vas-tu? Non, mais ça va, en forme. Ça va, oui. En direct en ce lundi soir, 20h51. Salut Cynique. D-Fool, comment ça va? Et toi? Ouais, tranquillou. Oh, c'est bien ce que tu nous as fait là. Ouais, c'était cool. Ouais, bah voilà. C'était bon à entendre. Pour commencer. Voilà, pour commencer la semaine. Et c'est pas fini. Hein. L'album, c'est lundi dans les bacs. Ouais, c'est ça. Et c'est en précommande. J'ai tout écouté, hein, donc je sais absolument tout. Tu es trop fort. On aurait dit que t'étais là. Depuis 20h. Bah, je suis dans la voiture depuis 20h à l'écoute de Planète Rap. Donc on a profité là. Ah ouais, le medley, beaucoup de succès. Hein. Je vois encore des messages qui défilent là depuis tout à l'heure. Bon, bah profitez-en. Cynique, c'est pas fini puisque ça dure toute la semaine. Hein, ouais, c'est ça, on sera là demain. 20h, 21h. Bah, ça fait plaisir de te retrouver dans les bacs dès lundi sur Planète Rap tout au long de la semaine et même en ce lundi de Pâques et en direct en plus, Cynique. Ah, nous, t'as vu, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de Pâques, il n'y a pas de week-end, il n'y a rien. On est là, on est tout le temps là. C'est du lundi au lundi. Exactement. Et ben demain soir, mardi, tu seras là aussi avec Fredo. Merci Fred, merci Cynique. De rien. Et nous, on est là aussi en direct avec vous, on compte sur vous, vous pouvez nous appeler dès maintenant. Alors, si vous êtes de retour de week-end, passez-nous un coup de fil. Si vous êtes tranquillement à la maison, pareil. Ou dans les bouchons, pareil. Ouais, parce qu'apparemment, il y en a beaucoup. Paris, c'est le gros bordel, ouais. Ah ouais, en tout cas. Dans Paris, ça roule. Ah ouais. Dans Paris, ça mais va. Ils n'ont pas réussi à rentrer encore. Bah, regarde, même, ouais, Cédric, a réussi à venir sans accident, sans rien, sans se prendre la tête. Eh ouais, normal. Cédric qui a fait un bon régime à ce qui paraissait ce week-end. Vous êtes au courant ou pas? Non, vas-y, ah non, vas-y. Moi j'ai vu des photos, franchement le mec il s'est gavé de gâteaux, tu m'as dégoûté Cédric. Ouais, ça va, c'était des petits. Pourquoi tu t'es pris en photo en train de manger Cédric? Le mec il se prend en photo. On t'avait interdit parce que les gens sont dégoûtés comme Fred. Il se prend en photo avec des gâteaux, des trucs remplis de chocolat, de machin dégoulinant quoi. Interdit de te prendre en photo en train de manger. Va liker les photos et de les regarder. En tout cas, si vous voulez faire un régime, allez liker les photos de Cédric. Vous allez voir, ça vaut beaucoup l'appétit direct. Parce que je vais liker une photo, tu bouffes un gâteau, mec. Ouais, c'est vrai, on est d'accord. Je vais liker les photos, t'es bourré. Ouais, mais c'est normal, mais. Ah là là, la pauvre. Je vais pas liker un gâteau, je m'en tape de ton gâteau. La pauvre vie de Cédric sur Facebook. Bon, toi, je vais te bloquer, allez hop. Je vais te bloquer, ça sera réglé. Mais puis toi, à force de bloquer tout le monde, tu vas plus avoir personne. Ouais, c'est ça le truc. C'est pas grave. On se retrouve à moins 10. Ça me dérange pas. Bon, à demain, Fred. À demain. Ciao, ciao, à demain. Merci à tous les deux pour le Planète Rap. C'est demain 20h, le retour. Et là, c'est parti pour la Radio Libre en direct. On arrive dans un instant avec Rihanna, le tout nouveau Rihanna. Bitch, better have my money. Yes. Ciao. Et à tout de suite pour la Radio Libre. À toutes.